Ce sont les meilleures équipes. This is the allerbeste Mannschaften. The main event is tonight. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Meister, die Besten, les meilleures équipes. The Champions. Et bonsoir, bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère 88.4 à Marseille. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, avec ce soir un dispositif un poil réduit, puisqu'il n'y a que Dundé sur le plateau, mais nous attendons mon cher Dundé, le coach incessamment sous peu. Donnez-nous des nouvelles du coach. Bonsoir à tous. Aux dernières nouvelles, le coach était dans les transports en commun du côté de Toulon. Mais il m'a dit qu'il arrivait en grande hâte. Le jet privé l'attendait à hier, donc ça devrait se faire assez rapidement. Dundé, ce soir, une émission spéciale que nous avons choisi d'intituler Foot et Combine, puisque, alors vous serez un peu le lead guitar hein, de cette émission. Vous nous avez trouvé deux invités extraordinaires, exceptionnels, comme souvent, mais là particulièrement, je crois. Je vous laisse les présenter, mon cher Dundé. Tout à fait, cher Manu, deux poids lourds de la scène marseillaise de la Combine qui sont avec nous ce soir. Sur le plateau, Ziad. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Et Arsène, un lointain cousin du coach anglais, ou vous êtes de la même famille, c'est ça? Exactement ça. Exactement. Bon. Donc deux poids lourds, effectivement, de la Combine à des degrés divers et selon des méthodes tout à fait différentes. Il s'agira ce soir de traiter des notions de combine, d'arrangement, trucage, truc et astuce, arnaque, imposture, avec un sommaire alléchant, mais qui sera dévoilé au fur et à mesure de l'émission, puisqu'on va le tirer au sort. Oui, alors on a choisi ce soir, puisqu'on a, comme d'habitude, bien sûr, préparé. Alors que voilà le coach qui arrive en direct pour vous, chers auditeurs. Coach, on vous laisse bien sûr prendre place patiemment, on sait que le chemin a été long et rude. On prépare beaucoup nos émissions ici à Débattons d'Anguirou, mais cette fois-ci, on a choisi un sommaire, comme vous venez de le dire, un peu spécial. Un certain nombre de sujets ont été... Bonsoir, coach. Ont été préparés. Nous allons les tirer au sort. Donc, on va un peu devoir improviser et parler de manière aléatoire pendant ce déroulé un peu spécial. Je tente de meubler pendant que le coach débarque. Est-ce qu'on commence tout de suite, mon cher Dundé, un peu en essayant d'en savoir un peu plus sur nos invités, peut-être, et tout en disant à nos auditeurs qu'ils peuvent bien sûr nous appeler au 04 91 08 28 15 ou 28 10, selon leur accointance le mode opératoire, voilà. Tout à fait. Et Dundé, je vous laisse nous parler un peu plus de Ziad et d'Arsène et de nous expliquer leur présence sur ce plateau. Oui, ce sont deux jeunes gens que j'ai trouvés dans la rue en venant à la Friche et on a eu une discussion sympathique. Ce sont tous deux de grands supporters de football. Alors évidemment, c'était une blague, je ne les ai pas trouvés dans la rue. Il se trouve que on s'est découvert récemment dans un contexte professionnel ou amical. Et on a avec nous deux amateurs de foot, supporters de l'OM et qui ont l'habitude du stade et notamment d'entrer dans des stade par des voies très spéciales, un peu détournées. C'est ce qu'on appelle d'une certaine manière les combines, donc à des degrés divers, puisque bon, je vous laisse peut-être vous présenter en deux mots votre approche du foot, la combine, etc. Ouais, moi j'aime bien le concept de se présenter différemment, donc je vais parler de Ziad, et c'est vrai que Ziad il aime bien pénétrer dans les voies spéciales. Et, donc en fait tu passes ton BAFA là, tu me fais un petit jeu de présentation, c'est tout à fait intéressant. Arsène, mais je vais te demander de rester dans les cadres de la bienséance et te présenter toi-même s'il te plaît. Merci. Mais peut-être que... Excuse-moi, vas-y, allez-y Arsène si... Donc en fait ouais nous on fréquente les stades. Je vais parler de moi-même, excusez-moi cher Ziad. Je fréquente les stades depuis pas mal d'années. Je voyais la interview à deux. Et pas chardissant mon pote. Et effectivement, j'aime bien me lancer des petits défis et intégrer dans ces enceintes sportives de façon un petit peu incongrue. On va en parler tout à l'heure, cher Arsène. Je crois que vous avez une longue histoire avec le football anglais, notamment. On y reviendra dans le détail. Et vous donc, cher Ziad, vous êtes l'apôtre des paris sportifs, l'inventeur du marché noir. Faux. Je ne dirai pas ça. Donc déjà, je vous remercie de m'inviter. Je vous en prie. Dondé. Vous êtes le bienvenu. Que je connais depuis 2 ans. Il y a un travail de 2 ans derrière tout ça. Donc bonsoir la régie, bonsoir coach. Et ouais, le problème du micro ouvert c'est ça, c'est que Ziad il peut parler très longtemps de manière coach. Donc je vous décris coach quand même, que je découvre en tant que vous, qui ressemble à Raphaël Benitez. Très très bel homme, voilà s'il en est. Donc voilà, donc moi je vais parler un petit peu du foot et combine. Ah, il commence à ouvrir sa chemise. Ouais. Donc je vais parler un peu du côté combine de manière très ponctuelle, où en 35 ans d'expérience, j'ai un petit peu découvert le côté business de place à l'occasion de l'Euro qui s'est déroulé en France et à Marseille. Avec une, vous noterez la distinction belle, entre France et Marseille. Tout à fait. On n'y reviendra pas, mais avec une très belle montée en puissance durant cet Euro sur lequel aussi on discutera, puisque un de vos faits d'armes quand même, c'est d'avoir assisté à la demi-finale entre la France et l'Allemagne au Stade Vélodrome. Au premier rang. Qui plus est. Et le tout sans débourser un seul centime. Sans débourser, c'était au tout début. Je pense qu'il y a une montée en puissance qui s'est soldée par des bénéfices très larges. En demi-finale, mais bon, ça, on en rediscutera peut-être. S'il y a des riches, si des auditrices veulent nous contacter, je peux communiquer le numéro de téléphone, bien évidemment. On a l'habitude de pas procéder ainsi, cher Arsène. Mais nous vous remercions pour cette attention. J'avais une petite définition peut-être préalable du terme de combine que j'ai tiré du Larousse. Vous allez me dire peut-être ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est intéressant de poser un petit peu une définition à ce. Bien sûr, c'est très important. Est-ce que d'un point de vue étymologique, ça vient de l'arabe ou pas, combine? Pas du tout. D'accord, je pensais qu'il y avait une relation. Première tentative de déviement du sujet. Donc je reviens à ma définition, qui la combine selon le Larousse, c'est un moyen astucieux, mais parfois peu scrupuleux. Donc, en effet, il parle de toi. Utilisé pour parvenir à ses fins. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la combine? Est-ce qu'elle correspond à vos pratiques? Je valide le Larousse. Alors moi, pour ma part, j'aimerais enlever tout voile de suspicion et de côté un petit peu péjoratif. Moi, c'est un petit peu le panache. Je rappelle, ce que tu fais, Ziad, est illégal. C'est pas faux. Mais je ne pense faire de mal à personne, et au contraire, j'ai fait du bien aux gens qui aiment le foot. Mais c'est ce qu'on verra en fait avec ce sujet de la combine, c'est qu'on est aux prises avec de multiples exceptions, n'est-ce pas, du terme, et qu'on peut tout à fait considérer que la combine est une manière effectivement illégale. En tout cas, on peut la considérer sous un angle péjoratif, mais on peut aussi s'enorgueillir et retirer une certaine fierté de faire partie des combinards. On peut aussi dire que c'est un moyen de se débrouiller, quoi. La combine est-elle morale? Voilà, et la morale est très élastique. Donc en fonction des événements, parfois je peux être très dur, et après, dès lors qu'on me propose une place au premier rang pour voir Dimitri Payet, tout d'un coup, j'oublie un petit peu quelques principes. Mmh. Je l'avoue. Deux beaux sujets du bac en perspective. Oui, bonsoir, cher coach. Je ne chanterai pas le générique. Mais... Peut-être que la combine aussi, c'est finalement juste les moyens, mais pas la fin. Donc on peut peut-être arriver à des fins très estimables avec des moyens qui le sont peut-être un peu moins. Mais qu'est-ce qui compte finalement au final? Troisième sujet du bac philo, donc on sent que vous avez lu Machiavel dans votre jeunesse, cher coach. Manu, est-ce pour nous le moment de tirer peut-être un premier sujet avant de... Je vous le propose, mon cher Dundee. On tire un premier sujet, on fera ensuite une première petite pause musicale. Je crois que le coach nous a encore une fois fait une petite sélection de son cru. Et puis cette émission va comme ça se dérouler en alternance de dialogues, de sujets tirés au sort. Et on aura bien sûr la traditionnelle croquine du coach. Pas de chronique du docteur ce soir, il est en préparatif. Je crois qu'il va recevoir très bientôt des vacanciers sur son terrain d'Oléron. Et quant à Brett et Magic, on les excuse, ils ont d'autres obligations. Et on les salue. Et on les salue. Alors, une main innocente, peut-être la Alors, vôtre. Dans le cadre de la semaine contre le racisme, nous allons faire peut-être un geste, à savoir me laisser tirer au sort. Allez-y, allez-y, chers Ziad. Attention. Il sait pas lire. Hein, c'est... Vous avez écrit. Excusez-moi, on a, vous avez écrit on a en sympathique. En araméen. En cyrillique, peut-être. C'est le Stade Brestois, tout à fait. Ah, superbe sujet, le Stade Brestois. J'en parlais beaucoup avec mes collègues ces derniers temps. On ne parle pas assez du club de Brest. Oui, parce que, alors, effectivement, je suis à l'origine de ce micro-sujet sur lequel on va peut-être pas s'éterniser. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'entrée dans le stade, il y a, on va le voir, plusieurs stratégies. En tout cas, rentrer dans le stade sans payer son billet, c'est puisque c'est de ça dont il s'agit. Il y a le classique, par exemple, il y a le moulon où on fait pression sur les vigiles en groupe nombreux, et puis finalement, il y en a quelques-uns qui arrivent à passer. Au petit bonheur, la chance. Mais il y a aussi, alors du coup, on change un peu de perspective, mais c'est une manière d'avoir vu sur un match sans finalement le payer. Il n'y a pas de taxe encore qui en vigueur sur le fait que des gens depuis chez eux peuvent assister à un match de foot depuis leur balcon sans qu'on les emmerde plus que ça. Donc on va écouter un sujet très bref en fait d'un groupe de supporters du Stade Brestois qui donc non affilié puisque ce serait le groupe de supporters du balcon qui assiste au match depuis le balcon qui surplombe le stade. À Brest, quand on a vu sur la rade, ça a son charme. Mais des petits vénards ont aussi une vue imprenable sur une scène de spectacle qui réunit près de 15 000 personnes les soirs de gala. Ce qui nous manque, c'est vraiment l'ambiance du stade, quoi, d'être vraiment serrés les uns aux autres à chanter. Mais on peut chanter d'ici aussi. À 50 mètres près, ça va. C'est intéressant. Quoi. Les jours de match à Francis Leblay, les bienheureux ne sont pas seulement dans le stade. Surplombant les tribunes, les immeubles avoisinants offrent autant de loges privilégiées que de fenêtres. La loge super VIP, on appelle ça. Ouais. Parce que vraiment, ouais, on a tout sauf le petit panneau, mais on a la meilleure place gratuitement et on n'a pas besoin d'aller à la mi-temps chercher des bières. Donc. Bienvenue chez Fabien. Au quatrième étage, il y a ici une vue imprenable sur le carré de verdure des voisins. Ici, le samedi soir, tous les 15 jours, c'est devenu le rendez-vous incontournable des copains. Le football s'invite à l'heure de l'apéritif et presque tout le monde y prend goût. Bah, j'étais supporter du stade, je suivais un peu et depuis que j'ai, bah, je suis à fond évidemment. Enfin, je décroche plus, je suis sur le forum et tout. Deux fois par mois, on remet ça. Ici, c'est Brest, plus de 10 000 personnes dans le jardin d'en face. Alors mon cher Dondé, j'ai l'impression que ça peut être une sorte de tradition bretonne que cette idée de voir le match de foot depuis l'immeuble d'à côté. Je crois qu'à Guingamp, il se passait aussi exactement la même chose. En tout cas, on en avait eu un aperçu lors de leur première montée en première division, il y a de ça au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et on voyait ça encore dans ce petit stade, des gens qui habitaient juste à côté et qui depuis leur balcon... pouvaient voir et qui d'ailleurs pouvaient aussi parfois monnayer une place sur leur balcon pour assister aux matchs de foot. Effectivement, je pense qu'il y a un business à faire, à installer une tribune à domicile tout simplement quand on est au-dessus du stade. On a vu que c'est un sujet très riche, hein, d'abord un sujet historique, hein, c'est quand même un reportage qui date de 2004. Ouais. Donc il y a du temps, il y a une perspective comme ça, le stade Francis Leblay de Brest. C'est une cathédrale. Tout à fait, 15 000 spectateurs tout de même. C'est un des plus grands stades de France, faut-il le rappeler. Et ça me fait penser peut-être aussi à il y a une anecdote comme ça sur l'actuel entraîneur du FC Séville, Jorge Sampaoli, qui notamment donnait des consignes cachées sur parce qu'il était interdit de stade à une époque quand il entraînait en Argentine. Et donc la combine qu'il avait trouvée lui pour passer ses consignes, c'était de monter en haut d'un arbre et de transmettre ses consignes à son entraîneur adjoint comme ça via l'arbre. Il pouvait assister au match, etc. Mais il était interdit de stade. Il s'était fait suspendre, bien sûr. Ouais. Il était pas interdit de stade. Il pouvait être en tribune, quoi. Non, pas du tout. Il était interdit. Du coup, interdit de l'enceinte de stade, ouais, effectivement. Tout à fait. Une combine autorisée, cher Dondé. Donc, c'est ça. Mais non, parce que son objectif, c'était de pas se faire remarquer, de pas se faire prendre. Mais il y a eu des photographes, du coup, qui ont médiatisé le sujet. Oh, c'est bon enfant. Oui. C'est un petit peu la magie du championnat argentin, hein, avec des équipes absolument fantastiques. Avec le bras zéro à la mi-temps. Et... Voilà. Et l'équipe Lanús aussi, qui est vraiment un club très intense. Lequel, pardon? Lanús. Connais pas. Donc, parmi les combines, voir le match depuis son balcon, il y en a d'autres. Alors peut-être qu'on va s'intéresser à vous, cher Arsène, fan de foot anglais. Et vous arpentez comme ça les terres britanniques dans l'optique de rentrer dans tous les stades possibles et inimaginables d'Angleterre. Oui, j'ai passé pour un psychopathe qui part tous les week-ends avec Ryanair en Angleterre. C'est une passion. C'est une passion, ça ne s'explique pas. Je reviens juste sur le terme de combine, il faut en avoir envie. C'est une des principales attraits importants pour réaliser ça. Et savez que le stade Brestois peut-être que ne requiert pas cette attention particulière qui nous mènerait jusqu'à ce stade pour essayer de franchir les barrières. On a eu ici des invités extrêmement fans du stade Brestois qui rappellent qu'à la grandeur du stade, un certain Roberto Cabanas était venu marquer deux buts au stade Vélodrome afin d'écraser l'OM 2-1. Et ça aussi, on a parlé ce week-end avec tous les copains, on parlait beaucoup. Ça fera l'office d'un sujet tout à l'heure. On disait, on devrait aller à Brest cet été. On hésitait entre Brest et la Thaïlande. Je crois que là, tu as fait la différence. Et Cabanas, c'est assez exotique en plus. Vous aurez peut-être l'occasion de vous rendre à Brest l'an prochain. J'arrête. Puisque le stade brestois est deuxième du championnat de Ligue 2. Et que, vous aurez peut-être l'occasion de faire ce déplacement-là. Brest a une superbe équipe avec un attaquant qui est vraiment très intéressant. Mais alors Arsène, pour continuer, quelle est la combine finalement, vous, dans votre parcours, d'aller partout en Angleterre voir les matchs de foot? Alors la combine consiste à rentrer dans un stade. Vous connaissez tous les prix très élevés de la Première Ligue. Qui fait que, petit étudiant que je fus, ouais, j'ai avancé depuis, ne permettait pas de participer à cette activité-là, payante, malgré tout l'amour que je porte au football. Vous supportez une équipe particulière en Première Ligue? Celle qui vous laisse rentrer. Le stade brestois, peut-être. De la Bretagne. Non, uniquement l'Olympique de Marseille, donc pas d'autres couleurs. Mais un attrait particulier pour fréquenter tous les stades de la Terre. Mmh. Et donc du coup, dans ces circonstances-là, j'étais en Angleterre pendant plusieurs mois, je me suis aventuré à essayer de découvrir tous ces stades-là, qui sont par ailleurs très sympathiques et très attrayants, tant aux abords qu'à l'intérieur. Mmh. Mais c'est vrai que pour entrer à l'intérieur, c'est complexe. Oui. Alors comment est-ce qu'on devient justement un combinard? J'ai envie de dire de père en fils. Hein. C'est une tradition qui a débuté dans la France profonde dans les années 20 et qui s'est développée au travers de l'héritage que j'ai pu avoir de mon père. D'accord. Donc vous rentriez petit avec votre père dans le stade? Petit. Tous les dimanches, c'était Rungis. Et petit, il faut l'être, puisque vous m'avez raconté une anecdote, notamment en vous introduisant dans les... cuisines. Alors non pas dans les travées, mais dans les cuisines, si mes souvenirs sont bons, de Old Trafford. Ou c'était le Stamford Bridge? C'était plutôt Stamford Bridge. Dans le South East of London. Quartier UP de la capitale anglaise, où se trouve le club de Chelsea, et où lequel, après avoir fait plusieurs stades, je ne m'étais jamais aventuré. Donc j'ai choisi pour cela un bon match, hein. C'était Chelsea-Manchester. Quelle époque c'était ça? C'était 2013. 2013, ouais. Ne me demandez pas les classements des équipes. Mais ça change quoi pour vous? Ça donne des savoir quelle époque. Non, mais parce que ça aurait été un affrontement entre l'équipe de Mourinho et celle de Ferguson, ça aurait signifié beaucoup pour moi. 2013, l'entraîneur de Chelsea, c'est Di Matteo, il me semble. Ça dépend quelle deuxième partie de saison. Est-ce que tu te souviens de quelques matchs perdus? C'est 2012. Bon, ok. Arsène. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur votre entrée? Oui, ne nous égarons pas, s'il te plaît. Donc en fait, prix exorbitant, pluie diluvienne. J'essaie de dresser un tableau un peu british, mais et donc en fait, je me retrouve devant ce Stamford Bridge, so impressionnant. Le concept de la combine pour entrer dans un stade quel qu'il soit, c'est déjà d'y aller un peu en avance, donc de bien repérer les lieux. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là en me déplaçant plutôt en matinée. Vous étiez seul? Tout seul, toujours. Toute personne accompagnant pourrait nuire au bon déroulement. Et c'est un autre principe de la combine, alors. Ça peut être un principe. Être seul. On va voir si c'est corroboré par Ziad. Après, ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui fait diversion. Hein, mais c'est vrai que moi, mes expériences, je les ai plutôt réalisées seules jusqu'à présent. Et donc, du coup, quand on arrive tôt, on assiste à la mise en place de bon nombre d'activités que sont l'installation des médias, l'installation des... des sièges, de la publicité, de la com, et notamment, et là je viens au moment où je suis en train d'action, notamment la mise en place des frigos réfrigérants et donc de la livraison de la nourriture pour les cantines et autres loges de Stamford Bridge. D'accord, on boit vos paroles, donc vous pouvez continuer. Je suis, mais absolument tenu par le suspense. Donc vous rentrez, vous êtes dissimulé. Je fais des petits teasers, si vous voulez. Vous parvenez à vous dissimuler dans un frigo, c'est ça? Je me coupe en quatre entre les saumons et... Une partie dans le congélo, et d'accord. Donc non, en fait, qui dit chargement de toute nourriture et de tout autre artifice de communication, quoi que ce soit, et, engendre des portes qui s'ouvrent. et du coup, un faufilage qui peut se projeter là-dedans. Quoi. Donc il n'y a pas de contrôle, par exemple, à ce niveau-là, c'est ça ? Il y en a moins. Ouais. C'est vrai que l'afflux des spectateurs a lieu plutôt 2 heures avant le match. Et c'est vrai qu'il y a moins de contrôle quand on est bien en amont du match. À quelle heure a eu ton forfait ? Le crime a été commis, je dirais, entre l'heure et le coup d'envoi. À midi, je pense. Ziad veut en venir d'emblée au caractère un petit peu négatif de la combine, en tout cas de celle-ci, qui est l'attente, peut-être un peu longue. alors que cela procure. Du coup, vous donc concrètement, repérage, filature. Et du coup, une fois que le tour du stade a été fait et l'observation de toutes les portes qui pourraient donner accès à ce lieu saint ont été faites, il reste à savoir à quel moment on va passer l'action et du coup filer les bonnes personnes. Parce qu'il y a ceux qui vont préparer mais qui vont rester dehors et ceux qui vont rentrer. Et une fois qu'on a bien fait cette distinction là, le but est de se faufiler au bon moment. Et donc du coup pour ma part, ce qui a été le cas, c'est quand des cuistots sont rentrés avec une espèce de chariot qui prenait un peu de place et pour lequel il a fallu un petit peu tenir la porte et tout ça, et hop, je me suis enfilé avec eux. Reprenons. Vous deux qui regardent l'émission, s'il te plaît, tu fais attention. Merci. C'est rien. Donc en fait, voilà, je me suis faufilé dans les parties qui étaient réservées à la nourriture. Hein. Donc tu es rentré physiquement. Pour pas dire des cuisines, je suis rentré physiquement, oui. Voilà, donc tu es rentré. Tu t'es pas caché avant de franchir les portes. Non. Bon après, faut être furtif, hein, bien évidemment. Il faut savoir un petit peu savoir quand y aller. Et... C'est le côté Lupin d'Arsène, ça peut-être. Voilà, vous avez. Ah, ça y est, elle est sortie. C'est fait. Elle n'était pas préparée. Est-ce qu'il faut excusez-moi, Dundee. Est-ce qu'il faut penser à une tenue vestimentaire particulière ou pas? C'est vrai que je me suis souvent posé la question. Question plutôt pertinente. En fait, je me suis souvent dit qu'en étant habillé plutôt classe, ça aurait pu m'aider parfois. Je ne l'ai pas forcément fait, mais c'est vrai qu'en ayant un petit costume, une tenue chemise, pantalon en pince, je pense que ça peut participer à aider à un moment donné dans une espèce de confusion comme ça peut être le cas dans un stade ou autour du stade. On aurait pu vous prendre pour le prince William. Un peu tu esprit. Mais je ne prenais pas avec Kate autour du stand. C'est intéressant au niveau de la tenue, tout ça. Après, bon, on en reviendra lorsque je parlerai. Mais d'avoir des espèces d'artifices, soit qui soient très, très marquants, à savoir un costume, soit des petits détails de l'histoire qui peuvent parfois permettre de prévenir des contrôles. Notamment, il y aura un petit côté police. Il y a un teaser intéressant, j'ai l'impression. D'accord, donc vous vous cachez, concrètement, vous vous cachez où du coup? Donc ce jour-là, je me suis caché dans les cuisines. Dans les cuisines? Dans les cuisines de Stamford Bridge. D'accord, sous l'évier. Il y a une ou deux personnes qui m'ont repéré, j'ai fait comprendre qu'il fallait... que vous parliez pas anglais. Qu'il fallait se taire à tout jamais, sinon... non, je rigole. Voilà, il y en a un ou deux à qui j'ai expliqué vite fait le concept, le concept de la combine. et en fait, après, je suis resté plutôt discret. Mais tu es resté où physiquement? C'est-à-dire que tu es dans un tiroir, dans un placard? Non, mais ça m'intéresse de savoir. Dans un sandwich. Le frigo. Non, j'étais dans un coin, en fait. Donc, j'ai effectivement un coin plutôt restreint. Mais pour visualiser, ben, je ne sais pas si vous voulez que je donne un petit peu de... Ouais, non, ce qui nous intéresse, c'est les détails, bien sûr. Oui. Vous voulez du croustillant? Ah oui. On veut des fish and chips, quoi. On veut y être, quoi. Désolé de vous décevoir, j'étais pas dans un frigo et j'étais pas plus sous la table de découpage des légumes. Bonsoir tout le monde. Je m'attendais à un truc de malade. J'exagère. L'anecdote numéro 2, si vous voulez, pour faire d'accord, un petit peu de buzz. Donc, et ensuite, pour terminer sur ce sujet, donc vous restez caché pendant plusieurs journées, dans quelques heures, quelques heures seulement, et je faisais quelques allers-retours par la fenêtre pour me rendre compte de l'heure de rentrée des spectateurs qui pouvaient un petit peu me donner le top départ de ma pseudo liberté dans le stade et qui permettait de pas me faire contrôler trop violemment. Voilà. D'accord. Je sais pas si tu peux me permettre d'évoquer d'autres anecdotes. On y reviendra peut-être plus tard. On va peut-être. Peut-être le coach a une question à vous poser. Je l'ai vu prendre des notes. Alors c'est pour ça que ça m'interpelle. Oh. Il faisait un sud. Non, c'était par rapport au costume. En fait, moi, j'aurais plutôt pensé que finalement, comme tu disais, que tu avais suivi les cuisiniers, ça aurait été plus simple à la limite, plus facile de rentrer en ayant un uniforme technique. Tu vois, d'électricien ou d'agent de sécurité ou voire même de cuisinier, peut-être. Mmh. Oui. Gilet jaune, gilet orange. Sachant qu'un officiel, il a plus de chances, on va dire, d'avoir un badge, alors que le cuisinier, tout ça, le mec qui coupe des pommes de terre, il n'est pas censé avoir. Alors, c'est vrai que là, on rentre du coup dans un aspect un peu plus préparé, un petit peu plus professionnel, ce que je ne suis pas. Mmh. Et donc, du coup, moi, c'était un petit peu à l'improviste, un petit peu. Du côté artisan, quoi. Tu n'avais donc pas plusieurs costumes dans ton sac ou sur toi, ou tu déchires tes vêtements? J'ai pas les déguisements et des maquillages en fonction du jour, en fonction de ce qui pourrait être le plus intéressant pour moi. Non. Bon, on apprend donc qu'une des marques de la combine, c'est un peu d'être à l'arrache aussi, finalement. Ouais, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de panache. Le concept d'y aller franco, de pas trop réfléchir, bien sûr que ça a plus de chances de payer que de trop se poser de questions. Que dans quelle porte je vais rentrer? D'accord. Peut-être on continue le tour de table. Alors, en ce qui vous concerne, Ziad, quelle est votre formation? À quelle école avez-vous été pour développer votre talent? Moi, je suis du centre-ville. Donc après, j'ai jamais été trop très, très présent aux abords du stade Vélodrome. Donc, j'ai pas été un gamin qui était là tout le temps vouloir aller au stade. Je sais qu'à l'époque, sous tapis, en gros, les enfants, les petits pouvaient rentrer. Et à la mi-temps, c'était gratuit pour tout le monde. Donc, il y avait les places en populaire à 15 francs, comme a dit un collègue tout à l'heure, Nounès. Il va commencer à passer ses blagues toutes les 10 minutes. Et donc, en fait, moi, ça s'est passé, c'est assez extrêmement récent, ça s'est passé durant l'Euro. Donc, en fait, par rapport au travail, on a eu une petite mission avec des jeunes ou en échange de services civiques, citoyens, ramassage des plages. On a eu des places pour Angleterre-Russie. T'es en train de m'expliquer que t'as détourné l'argent public, Ziad? Non. Donc, suite à cette rencontre, donc je me suis retrouvé avec un peu des petites passes en plus, on va dire. Donc de là, après, comme je connais un petit peu le gros noyau, pas forcément en qualité, mais en quantité de personnes qui vendent des places devant le stade Vélodrome, voilà, je me suis orienté vers certaines personnes en leur disant, bah, tiens, tant de places, j'en ai à vendre, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Et après, j'ai aussi commencé à faire un peu le tour du Vieux-Port, vers les pubs et tout. Vu que je me débrouille pas trop mal en anglais, ça m'a permis d'aller voir, de démarcher les personnes. Donc le point de départ, c'était Angleterre-Russie. Angleterre-Russie. Donc moi, toujours l'idée de pas me retrouver le jour même devant le stade avec des places en trop ou pas assez. L'idée, c'est que d'arriver le jour du match, juste à. Enfin, pour le coup, c'était un peu dans le cadre du travail. Donc voilà, je suis toujours dans cette espèce d'événement, j'essaie de faire le plus tôt possible. Et après avoir pris goût à ce premier match qu'il y a eu au Vélodrome, je me suis dit, je vais essayer d'aller au suivant. Et ça s'est fait ainsi. J'ai oublié l'ordre des matchs. C'était pas un beau match, quoi, le suivant. Hein. C'était après, Pologne-Ukraine, France-Albanie, ouais. Portugal-Pologne en quart. Donc, toujours est-il que, en fait, j'ai commencé à. Voilà, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui vendaient des places, mais pas tant d'acheteurs que ça. Donc, après, j'ai vu aussi qu'il y avait des places que la FIFA, c'est la FIFA, l'Euro. La FIFA avait mis des montants sur des places qui correspondent à des standards européens. Mais pour le coup, les gens à Marseille, eh ben, ils ne sont pas sur le même standard. Donc une place qui était vendue 300 euros, ben, en gros, ne valait pas tant que ça. Et inversement, il y avait aussi des places qui étaient marquées à 50 euros dessus, qui étaient mieux placées qu'à 300. Donc moi, en fait, après, à chaque match qu'il y a eu, donc 2-3 jours avant, je prenais un peu la température, je voyais un peu les touristes. Et en fonction des rencontres et tout, eh ben, je faisais des petits papiers avec écrit dans la langue en question, cherche des places. Et en fait, au fur et à mesure, avec un collègue qui m'a formé, Chicos, c'est son surnom. Donc ce collègue qui est un petit donc peu. C'est ça à l'école, c'est Chicos. Voilà, Chicos, c'est mon dali, quoi. Moi, je suis sa muse, il a fait de moi ce qu'il voulait et ça a été fusionnel. Donc il m'a montré un petit peu comment qui voir, qui pas voir. Et moi, vu que j'ai vu qu'autour du stade, c'était vraiment un peu la piraterie, quoi, autour aux abords du stade, et des vendeurs du centre-ville qui parlent. Bon, que pour qui le français n'est pas non plus la première, mais qui est dans les langues étrangères. Et quand ils s'adressaient aux autres personnes, ils avaient tendance un peu à effrayer les supporters des pays voisins ou étrangers. Donc voilà, donc moi c'est parti sur ça, sur le côté un petit peu plus schweppes ou un peu plus organisé, à savoir que par exemple je prenais des papiers. La plus-value, Ziad. La plus-value, ouais, le côté, voilà. C'est guinguette, le côté CPF, pardon. Et en gros, voilà, moi je prenais des petits papiers, j'écrivais mon nom et numéro. Et en gros, des fois, je savais qu'il y a des personnes qui, à 15h, je leur demandais telle place, qui était marquée 300 euros. Je fais là, moi, écoutez, je vais la prendre 50 euros, vous allez voir, vous n'allez pas réussir à la vendre. Je fais, tenez quand même mon numéro et appelez-moi s'il y a quelque chose. Donc, ces personnes-là, souvent, m'ont rappelé. Parce que, comme j'avais un peu repéré le marché, je voyais qu'il y avait énormément de personnes qui vendaient des places, mais pas tant que ça qui voulaient en acheter. Et le problème de tout le monde, c'était de dire, non, mais c'est pas grave, j'attends. Et en fait, on s'est aperçu que lors du deuxième match, 10 minutes avant le coup d'envoi, tu pouvais choper une place à 10 euros. Preuve que justement, il y avait plus d'offres que de demandes. Donc, ceci étant, après, voilà, je me suis associé avec un collègue où à chaque fois, on mettait une certaine somme d'argent ensemble. Et au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux, je voyais que quand il y a des matchs, c'est des gens qui m'appelaient. C'est-à-dire que j'avais des commandes de places avant même d'en avoir acheté. Donc, du coup, moi, je voyais un petit peu la température. Et si je voyais que pour tel match, c'était aux alentours de. Dans le marché noir, on va dire. C'était aux alentours de 50 euros à la place, je pouvais en avoir 50 euros. Et moi, je mettais sur Facebook ou Snap ou autre, place à 100 euros. C'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire que dès que la personne elle me contactait, c'est qu'elle savait que les places étaient à ce prix-là. Donc, il n'y avait pas cette histoire de négociation qui est très laborieuse aux abords du stade. Nanani, donne-moi une rouge, donne-moi une verte, arrangement, gagne. Donc, moi, c'était vraiment faire en sorte que le jour J, voilà, déjà assurer ma place. Oui, parce que quand même l'objectif de tout ça, c'est de premier, rentrer c'est dans vraiment, le stade, c'est vraiment d'assurer ma place. D'accord. Vous y croyez? Après, deuxièmement, c'est de ne pas payer la place. C'est de faire assez de bénéfices pour rembourser ma place. Et le troisième, ça a été de faire du bénéfice. De faire le pain. Voilà, c'était de faire du bénéfice. Et voilà, il y avait vraiment, par exemple, pour Angleterre-Portugal, qui était un quart de finale quand même. Pologne-Portugal, pardon, qui était un quart de finale. Il y a quand même voilà, des places que j'ai pu avoir pour un collègue, à une demi-heure du coup d'envoi, il y a des places qui sont parties, il y a des personnes qui étaient carrément en feu, qui voulaient s'en débarrasser, mais personne ne voulait les acheter. Mais en fait, vous arriviez, limite, c'est vous qui choisissiez le prix à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et après, pour revenir un peu sur l'aspect déguisement ou attirail, moi, j'ai vu rapidement qu'aux abords du stade et autour, il y avait quand même, vu qu'il y avait pas mal de... C'est interdit, on va dire. Et la tradition un peu des Marseillais qui vendent des places et tout de manière assez visible, il peut y avoir des vols, des arrachés de place ou autre. Donc, c'est assez mal vu à juste titre. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je me suis acheté un drapeau de la France. Donc, déjà, moi, tout petit... Avec mon petit physique taillé pour le banditisme, le petit banditisme, donc, tout d'un coup, je me parais un peu d'une auréole de sainteté, à savoir le drapeau bleu, blanc, rouge autour du cou. Donc, dès le départ, parce qu'en fait, ça m'est venu, une fois, j'étais aux abords de la plage, il y avait un match qui se déroulait en fin de journée. Je suis parti à 14h pour la température sur le Prado. Donc, il est polonais, etc. Je crois que c'était Pologne-Hongrie, il me semble. Et à ce moment-là, un policier vient me voir en me demandant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous faites. Je dis non, moi, en fait, à ce moment-là, je ne vendais pas de place. Je voulais en acheter. Donc, c'est à ce moment-là que je voyais un petit peu le marché. Et lorsqu'il m'a eu cette espèce de remarque, bon, il m'a parlé, j'étais aussitôt courtois, donc ça s'est très bien passé. Et après, j'ai vu que pour les autres fois, tiens, pourquoi pas un petit drapeau? Et de là, chaque fois que j'ai eu des espèces de rapports de près ou de loin avec la police, c'était toujours cordial, bon match, Mino. Et également. Un peu comme Renaud, quoi, la chanson de Renaud. Voilà, j'ai embrassé un flic. J'ai viré ma cutie. Mais sauf qu'on n'a jamais eu de souci avec les policiers. D'accord. Peut-être on va marquer une petite pause musicale. Donc, Oui, après l'intervention de Ziad. Je m'adresse au coach et à sa sélection très, très fournie. Quel morceau souhaiteriez-vous passer en premier, mon cher coach? Peut-être les Rolling Stones. Ah, je vous avais devancé, je ne sais pas pourquoi, j'étais parti là-dessus. Bon, alors ça ne part pas vraiment, mais on va essayer quand même. Non, alors on va en essayer un autre peut-être, mon cher coach.

Et ce soir, c'est Don Day qui mène la musique, un peu, qui mène les interviews. Mais j'avais quand même une nouvelle question à poser à Ziad, si possible. Ouais, voilà, Don Day. J'avais une nouvelle question à poser à Ziad qui, moi, peut-être est une question bête, mais finalement, vous intervenez, vous, en deuxième position sur ces billets, puisque vous les rachetez à des gens qui les revendent déjà une première fois. Ces billets, ils viennent d'où, finalement, au départ? Alors, c'est souvent des personnes qui sont de pays étrangers et qui, en fait, si j'avais bien compris, ils ont acheté à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être 2-3 ans avant qu'il y ait le tirage au sort, ils les achètent. Après, entre le moment où ils ont acheté et la compétition 2-3 ans plus tard, ben, il y a des personnes qui se séparent, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, de venir jusqu'en France. Donc ces personnes-là se retrouvent avec des places, et pour certaines, je pense qu'elles avaient acheté aussi des places en se disant « on va arriver en France, on va les vendre x12 ». Et c'est là que moi j'interviens à ce moment-là où je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes. Comment vous rentrez en contact du coup ça se fait direct avec les personnes qui n'ont pas pu venir par exemple? Mais est-ce que ça se fait, ça se passe sur internet? Pas du tout, non. C'est-à-dire que je m'aperçois au fil des conversations avec les gens qui sont dehors, les gens qui sont, parce que moi ces places je les ai achetées principalement à des personnes des pays étrangers, pas à des Marseillais. Donc ces personnes-là, elles m'expliquent à chaque fois quand on commence à morale, négocier les prix. La morale. Elles me disent, ces personnes me disent donc. Que voilà, ils sont quatre, ils ont six places. Et donc ils le disent. Après, est-ce que c'est un argument vrai ou pas, qu'ils devaient venir avec telle ou telle personne. Et après, c'est aussi des choses qui sont corroborées par le fait que moi, via Airbnb, j'ai accueilli des personnes dans mon appartement. Mmh. Et oui, vous êtes sur plusieurs fronts. Ouais. Tout à fait. C'est l'événement sportif, c'est bon. Pour vous, c'est un package. Zia, tu nous parleras des sandwichs que tu faisais aussi pour les médias. Pour export à l'international. Voilà, donc c'est-à-dire que comme j'ai eu pour chaque match des gens qui ont logé chez moi, donc ça permet aussi de certains contacts, pour connaître un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai accueilli des Hongrois, qui est absolument délicieux, et à qui je demande, est-ce que vous avez une place ou pas? Alors je ne leur demande pas gratos, je leur dis, est-ce que vous vendez une place? Il me dit oui. Et non, mais en me disant, en gros, que le prix qu'il veut faire, en gros, genre, je t'aime bien, Ziad, mais j'ai envie de me faire 200 euros sur la place. Donc, quand il me dit un prix entre les deux, je dis, bon, non, merci, ça ira. Et ben, il se trouve que cette même personne, deux heures avant le match, il m'appelle. Hello, Ziad, what are you? Because I want to do the tickets. Il avait l'accent de Apu. Et de là, et voilà, et c'est vraiment l'exemple qui m'a montré qu'il y a des personnes qui devaient venir avec plus de place que prévu, assez tôt. Alors, quel serait le profil type de l'acheteur naïf est-ce que c'est un homme, une femme, un homme boutonneux Ziad, dans des personnes qui tu as escroqué, en fait. C'est-à-dire l'acheteur, la personne à qui j'aurais acheté la place? Non, que vous visez pour les ventes, par exemple. Ah, ben après, pour le coup, c'était un peu mon cercle d'amis, ou bien des touristes. Après, il y avait aussi des touristes qui, eux, étaient... alors, par rapport à mon cercle d'amis. Il n'y a pas un profil type comme ça, vous ne dites pas, comme parfois dans la rue, on voit un mec passer. Non, pour le coup. Tiens, lui, c'est un bon joueur, c'est moyen que je me fasse des sous sur lui. Oui, je vais les taxer. Non, pour le coup, après, c'est les places, les places, elles sont, le prix est fait avant, quoi. C'est pas genre, je peux te trouver des places et dès que je lui ramène, je suis en bas de chez lui, bon, tiens, c'est 400 euros de place, je ne mets pas le couteau sur la gorge. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent vers moi, c'est qu'elles répondent à ce que moi j'ai mis au préalable. D'accord, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette espèce de confort avec le client, avec l'ami. Qui est de, voilà, je te prends pas au dépourvu, pas au prêtre. C'est moi, je mets, messieurs, place, tant France, Allemagne, les places sont à 150 euros. En toute transparence, donc. En toute transparence, voilà, c'est. Combinéthique. C'est vraiment une combinéthique, c'est ça. Et j'imagine, Ziad, qu'il vous est arrivé de rester avec des places sur les bras aussi. Faux. Jamais. Non, pour un événement comme ça et. Non. Jamais. Bah après, voilà, c'est. Au grand jamais. Après l'Euro, la saison de l'OM et tout, bon, j'ai été contacté par certaines écuries pour me rapprocher d'eux en termes de vente de place, parce qu'ils ont pu voir un petit peu que le fait de parler correctement aux gens sans les agresser était un plus. Et ça ne m'intéressait pas de prendre ne serait-ce que ce risque ou quoi. Et après, c'était vraiment, sans faire le poète, mais je voulais vraiment assister au match. Vous êtes vraiment spécialisé dans les grands événements internationaux. Ben c'est le seul que j'ai fait a priori, donc et je pense que je vais m'arrêter à ça. Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Je pense que c'était une aventure. Je pense que c'était quand même quelque chose de super sympatoche. tu t'arrêtes au sommet. Et après, au niveau des relations, etc., il y avait un point que moi, j'avais, j'étais tombé sur un collègue, qui, je ne savais pas qu'il faisait ça, mais il travaillait pour VTC ou Uber, un des deux. Et il était spécialement sur des voitures de luxe. Donc du coup, on s'est échangé le numéro. J'ai dit, quand il y a des vendeurs, nana. Et donc, après, j'ai eu aussi des échanges avec lui. Où, vu que pendant l'Euro, il ne faisait que des, forcément des convoyages de personnes qui allaient au stade, etc., donc ça me permettait, comme si on allait voir dans un hôtel en disant « Bonjour, si vous avez des personnes qui veulent aller à tel endroit, je peux avoir des... » Combine et partenariat dans des... Bien sûr, Arsène. C'est comme ça donc qu'on devient millionnaire, j'ai l'impression. On peut s'inspirer de, donc, du coup de Ziad. Je propose qu'on tire un nouveau sujet. Oui, j'allais vous le proposer aussi, mon cher Dundee. Le coach est impatient, je le sens. Car il y a beaucoup de sujets ce soir à traiter. Oh oui, ma main foule. Donc c'est Arsène donc, qui remue les petites boules... dans le bocal. Le thème est hors-jeu. Hors-jeu, cher Manuel. Alors, hors-jeu, c'est un thème qui j'ai amené sur cette table. En fait, il y a quelques années, lors d'une émission spéciale Foot Iran, c'est un thème un peu plus sérieux, hein, vous allez voir. Foot Iran, le pays. On a parlé d'un film qui s'appelle Hors-jeu, Offside en anglais, et qui parlait de, donc en Iran, si vous ne le savez pas, on va le redire, les femmes sont interdites de stade. Et il y a néanmoins des jeunes filles fans de football qui cherchent à rentrer au stade et qui pour ce faire s'habillent en hommes. Certaines arrivent à passer, d'autres non, c'est assez rare. Et ce film montre ça. Donc un groupe de jeunes femmes qui essayent de rentrer lors d'un match de qualification à Coupe du Monde. Je ne sais pas, je me rappelle pas laquelle, probablement celle d'avant 2014. Donc c'est un film qui date de 2006, donc c'est peut-être même... Même peut-être pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, c'est possible. L'Iran joue sa qualification pour le Mondial, donc un match très important, et ces jeunes femmes essayent de rentrer au stade, habillées en hommes, et se font arrêter par la police. Et elles vont comme ça être parquées aux abords du stade, et réussir quand même à se tenir au courant via leur gardien qui lui entre deux portes réussit à voir le match de ce qui se passe sur le terrain. Et à l'époque de cette émission Foot Iran, une chroniqueuse qui est revenue plusieurs fois invitée aussi, Aline Dalbist, avait fait une chronique sur ce film qu'elle avait probablement enregistré dans une soufflerie, mais on entend quand même assez bien sa voix. Je vous propose, si vous le désirez, d'écouter cette chronique pour en savoir un peu plus sur ce film. Jafar Panahit est une nouvelle fois dans la lucarne politique avec le film Hors-jeu, réalisé en 2006. Monsieur Panahit n'en est déjà pas à son premier coup d'essai. Après avoir été assistant et élève de Kiarostami, il s'émancipe de l'influence du maître en s'attaquant beaucoup plus frontalement à l'organisation totalitaire de la société iranienne, avec par exemple le cercle sur la condition des femmes en Iran ou Sang et Or sur un livreur de pizza ancien vétéran de guerre, deux films qui seront interdits de diffusion en Iran. Donc quand Panahi démarre son projet, autant vous dire qu'il est déjà bien dans le collimateur du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique. Ministère qui a mis au point un code de la censure pour le moins contraignant. La sympathie du spectateur ne doit jamais aller au pêcheur. Interdiction de filmer le moindre contact entre un homme et une femme. Ne pas utiliser de vêtements qui souligneraient le corps de la femme. Pas de gros plans sur les visages féminins. Et bien sûr, port du voile obligatoire en extérieur comme en intérieur. Alors vous demandez certainement comment Panahi a pu déjouer la surveillance des censeurs. Eh bien, il a tout simplement feinté. Envoi d'un faux scénario, mention d'un autre réalisateur à sa place. L'équipe a ainsi pu obtenir l'autorisation d'aller tourner au stade de Téhéran pendant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2006, Iran-Bahreïn. Alors, de ce match, nous ne verrons rien. Pourtant, pas une minute du film ne s'écoule sans qu'on entende la clameur des 80 000 supporters. Et oui, ils sont là tout près. Du moins, c'est ce qu'arrive à nous faire croire Jafar Panahi. Car en réalité, et je suis désolée de vous l'apprendre, le tournage s'est déroulé sur 40 jours. Alors en regardant le film, je n'ai pas pu m'empêcher de traquer les indices susceptibles de trahir la réalité du hors-champ et de chercher quelles étaient les séquences qui avaient pu être tournées pendant le match. Je les ai repérées, mais je vous épargne la description des plans en question, des moments où le réel vient se frotter à la fiction et... Panahi a certainement dû composer avec les événements, notamment pour la fin du film, qui n'était pas encore écrite quand il a démarré le tournage, car elle dépendait du score de ce match. De là à affirmer Que nous sommes dans un docu-fiction, comme j'ai pu le lire à droite à gauche, non, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour ce qui concerne l'essentiel de ce film, en revanche, nous sommes bel et bien dans de la fiction avec des dialogues écrits par M. Panay en personne et joués par des acteurs non professionnels. Un huis clos à ciel ouvert qui oppose deux équipes, six jeunes femmes parquées dans un enclos à l'extérieur du stade, face à des militaires un peu benés et pas bien méchants et qui ne sont franchement pas enchantés de servir l'armée iranienne, qui oscillent entre des discours conservateurs, l'obligation de se faire respecter la loi et doutent quant au bien fondé de ces diktats. Si le sujet est grave, la place réservée aux femmes en Iran, le ton est léger, voire cocasse. Panay prend un malin plaisir à pointer les absurdités d'une interdiction sans fondement. Alors, pourquoi une femme n'a-t-elle pas le droit d'aller au stade avec les hommes, demande une des meneuses du groupe. L'officier lui explique que c'est parce qu'elle ne doit pas entendre le juron des hommes ou s'asseoir à côté d'un inconnu. Mais pourquoi ça, insiste la femme. L'officier, après une réflexion, lui rétorque « Parce qu'une femme, c'est pas pareil qu'un homme. » Et oui, logique. Donc ce film est toujours interdit en Iran. Jafar Panahi a été arrêté en 2009 alors qu'il tentait de tourner un documentaire sur les troubles qui ont suivi la réélection du président Ahmadinejad. Il a écopé d'une interdiction de tourner des films et de sortir du territoire iranien pendant 20 ans. Condamné à 6 ans de prison, il est aujourd'hui assigné à résidence. Son dernier film, tourné dans la totale clandestinité, a été primé au Festival de Berlin. Les autorités iraniennes ont fait savoir qu'elles avaient protesté auprès des organisateurs du festival, mais à ce jour, nous ne savons rien du sort qu'elles réservent à M. Panahi. Merci Aline Dalbis pour cette chronique réalisée il y a déjà au moins 2 ou 3 ans sur ce film de Jafar Panahi, donc hors jeu. Cette combine ultime est pour un sujet un peu grave, puisque c'est l'interdiction des femmes d'entrer dans les stades en Iran. J'aimerais avoir un peu votre avis, chers invités, puisque, ou chers coachs aussi, qu'on a peu entendu depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on peut parler de combine quand on est dans ce sujet-là? Et en fait, si le concept de se grimer pour avec une espèce avec l'utilisation d'artifices, donc vêtements ou perruques, quoi, pour essayer de pour avoir une tentative de rentrer, ça peut renvoyer à la combine. Après, il y a quelque chose d'autrement plus sérieux, et plus revendicatif, plus militant que notre petite tentative de frauder pour se faire un petit kiff. Donc si ça renvoie à la combine, je mettrai une grosse différence de sens et de fond dans ces deux pratiques-là. C'est-à-dire, là, quand même, ce qui est partagé, c'est l'amour. C'est l'amour du football. Là, elles ne font pas ça uniquement en termes de revendications féministes. C'est parce qu'elles aiment le foot qu'elles vont au stade. Sinon, je pense qu'elles n'y mettraient pas les pieds. Après, il y a un contexte, effectivement, qui est beaucoup plus autoritaire que celui, peut-être, auquel on est habitué. Mais... Elles sont prêtes à payer leur place. Elles sont prêtes à payer leur place. Prêtes à payer leur place. Il n'y a pas de question de bénéfice et de quoi que ce soit aux abords du stade. Peu scrupuleux, comme je vois quoi vous faites la définition de. C'est vulgaire. C'est braver l'interdit. Mais est-ce que nos invités seraient prêts, par exemple, à se grimer en femme pour pouvoir rentrer gratuitement au stade, par exemple? Non. Moi, jamais de la vie. Mais pour quelle raison? Ben, par amour du maillot. Non, moi, il n'y a absolument aucun événement qui pourrait me faire déguiser en fait. Même finale Marseille contre Barcelone au stade Vélodrome. Non, moi ça va. Jamais de la vie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se fait sur l'instinct en fait. Et du coup, toute préparation, quelle qu'elle soit, que ce soit déguisement de femme ou même déguisement autre, ça gâcherait un petit peu le truc en fait. Voilà. Alors, vous étiez parti, cher Arsène, sur puisque vous étiez un peu chaud là, les anecdotes affluent au fur et à mesure que votre parole se libère. Vous étiez parti donc dans la tournée des stades. Donc cette tournée, on a quand même l'impression que c'est dans un microcosme assez londonien, si je ne m'abuse. C'est Chelsea, et puis là c'est Bow Lane Ground, donc l'ancien stade de West Ham. Mais c'est parce que le Ryanair Marseille-Londres, il n'y a pas Marseille-Manchester ou Marseille-Newcastle. Il y a peut-être un amour de la banlieue aussi, de la banlieue londonienne. Ou des quartiers huppés. Parce que... Alors, beaucoup de choses à répondre là. Hein. J'ai habité Londres. Ah. Oui, je parle anglais, Ziad. Et donc du coup, j'ai eu le temps à mes heures perdues le week-end de me promener dans tous les quartiers de cette magnifique ville. Et effectivement, Londres est une ville européenne qui rassemble le plus de clubs de première ligue et même de seconde ligue. Ouais. On va dire ça. Ouais. Première chip. Et donc, du coup, il y a de quoi faire, en fait, effectivement. Ouais. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué Chelsea, mais il y a bien d'autres de clubs de la capitale. Dans lequel vous avez essayé de vous infiltrer, du coup. Voilà. Avec réussite parfois. Mais alors, il y a des échecs aussi. Il y a des échecs, effectivement. Alors, comment ça se passe? L'échec, c'est retentissant. Est-ce qu'il est cuisant, ouais. Ou est-ce qu'il est formateur? L'échec fait toujours est-ce mal. Est-ce qu'on passe un message dans le stade? Ça y est, on a chopé Arsène. Non, l'échec, il renvoie à la déception et renvoie à l'estime de soi qu'on est en train de perdre un peu plus chaque fois. Non, je m'emballe. L'échec est formateur, oui, parce que chaque stade est différent et du coup, ça peut être une astuce en plus pour la prochaine fois ou une technique. Loin de moi l'idée de me réjouir de te voir menotter, mais est-ce qu'il y a eu une espèce d'échec qui s'est soldé par des baskets sans lacets et une ceinture confisquée? Tu vois ce que je veux dire. Une fois à Tottenham, effectivement, un petit peu lassé de ne pas arriver à trouver par mon ingéniosité une façon d'entrer dans le stade, je me suis dit perdu, je vais essayer d'y aller en force, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc moulon quoi. Pas forcément moulon parce que le stade avait commencé donc les gens étaient déjà rentrés, mais tout simplement en sautant la barrière et en fonçant droit dans le mur en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais je me suis retrouvé dès le premier virage face à vous voyez les policiers anglais, ils ont leur espèce de chapeau bobby là. Et donc du coup ils ont pas du tout kiffé mon concept, hein, qui était très marseillais, c'est comme ça que je le revendiquais là-haut. Donc du coup en fait ils m'ont ramené là-bas à me portant. J'étais moins épais en fait. et donc du coup ils m'ont clairement dit que voilà, si je retentais, ils ont dû voir dans mes yeux que c'est vrai que je pouvais retenter. Je pouvais retenter. J'avais un côté un peu taquin dans le regard qui fait que moi, notre ami Arsène que j'ai rencontré bon il y a pas si longtemps que ça et pendant l'Euro, donc j'ai vu ce côté vraiment qui n'aime pas préparer les choses. Pour lui ça fait pas partie de son hygiène de vie. C'est que à peu près une heure du coup d'envoi il n'a pas de place. Pour lui c'est tout à fait normal. Alors que moi, dans sa situation, je serais en PLS en train d'appeler à l'aide. Mais lui, non, il est à l'aise. Mais tu n'as pas de place. Non, mais t'inquiète pas. Donc, une grande sérénité devant le but, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Mais ça paye. On sait qu'on s'est retrouvés. Ce sang-froid argentin, j'ai envie de dire. Un petit coucou à David Trezeguet s'il nous écoute. Ah, mais du coup, alors vous avez aussi officié, si je puis m'exprimer ainsi, pendant l'Euro à Marseille. Oui, c'est vrai que j'ai quelques réussites à mon actif à Marseille, mais c'est vrai que je le mets peu en avant parce que c'est mon terrain. C'est local. C'est mon terrain de jeu, donc arriver à pénétrer dans l'enceinte du boulevard Michelet sans place, quand bien même il s'agit d'une demi-finale d'Euro, comme ce fut le cas, voilà, ça fait pas partie de mon tableau de chasse dans la top position. Bah, c'est tout à votre honneur. Donné, on continue. Les victoires à domicile, elles comptent moins alors, c'est ça? C'est vrai. On continue comment? On retire au sort ou... Ouais, allez, on retire au sort un nouveau sujet. Un beau procédé, hein, on ne change pas une équipe qui coach, gagne. Coach, à vous. Ça fera jurisprudence pour les manques de préparation la prochaine fois. J'ai tiré Nanar. Alors, Nanar. Aïe, oui. Sujet sensible. Sujet sensible. L'année. Bah oui, Nanar, on sait tous à qui ça fait référence. On va écouter... Nanar le combinant. Ouais, bah on va écouter un petit son très très rapide qui va nous introduire, j'espère, une discussion pas trop longue. Hold up. C'est la combine. Où qu'il est, Nanar. À droite, ça. À gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à Nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine à Nanar, d'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets. C'est ça les vies à Nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. S'émerger, sport fait l'hiver et télé. C'est la combine à Nanar, avoir sa combine dans le canard. C'est l'entreprise à Nanar, fabriquer que du nanar. Après les petits à Nanar, après Voilà, la combine à nanar, Bernard Tapie, les grandes heures de l'Olympique de Marseille. On l'aime finalement un peu encore, Bernard Tapie, aussi parce qu'il était combinard, quoi. Ben, je sais pas où il est né, mais c'est à quelqu'un qui portait... Hop, hop. Faille dans le système. Voilà, donc moi, dernièrement, je me suis un petit peu la dernière sortie que j'ai entendue de sa part, que je trouvais intéressante. Il a parlé de ce deuxième 26 mai 93, comme je l'appelle. C'est le jour où le Barcelone a éliminé un club de la capitale. Mm-hmm. Donc, c'était comme l'équivalent d'une victoire en 93, hein, vraiment, pour ma part. Je vois pas tout à fait le lien. Par rapport au côté truqué, pas truqué, quoi. D'accord. Le côté Kobe Nananar, match truqué. Donc voilà, il s'est exprimé en disant... C'est la minute diffamatoire, c'est ça? Non, pas du tout, non. C'est plutôt dans le côté, où, dans la manière dont il s'est exprimé par rapport à ce match. C'était une manière de dire, j'ai peut-être acheté des matchs en championnat, mais jamais en Ligue des Champions. Il y avait une espèce de petit aveu un petit peu mignon, qui était, en Ligue des Champions, ouais, on ne peut pas acheter des matchs quand même. Donc cette façon de dire, bon, peut-être que Valenciennes à l'ancienne... C'est vrai que ça, on ne peut pas lui enlever complètement, parce qu'en face de lui, en Ligue des Champions, il avait Berlusconi. Donc comment acheter Berlusconi? Ça, c'est même quand on est le roi des combinards en France, ça paraît assez compliqué. Je ne sais pas si, coach, vous avez une solution pour ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut se dire, comment est-ce qu'on peut acheter un crocodile? Est-ce qu'un crocodile se laisse acheter? Et par qui? C'est une belle question. En tout cas, ça a beaucoup réagi sur le plateau. Ouais, au moment de cette chanson, ça fait plaisir parce que c'était chaud. Hein. C'est quand même moi qui ai composé la chanson à l'époque, donc. Ouais, c'est vrai. C'est toujours des royalties. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, c'est cette culture de la combine de Nanar est très marseillaise. Pas vraiment, en fait, puisque déjà tout son passé aussi d'homme d'affaires, d'entrepreneur, repose sur des combines d'achat de boîtes en faillite que j'achète à 1 euro, que je retape, que je remonte pour les revendre derrière plus cher. Donc il s'est quand même construit. En pièces détachées. Il s'est quand même construit comme commercial hors pair qui démarre bas et puis qui fait prendre des qui fait miroiter quand même. Après, ce côté là, quand je vois le côté marseillais, c'est le côté petite débrouille, le côté clientéliste mignon, à savoir, voilà, quoi, au niveau du stade, c'était pas hyper voilà, on pouvait rentrer au stade un peu comme ça. Je pense que c'est lui qui a un petit peu donné les clés des supporters, si je me trompe pas, donner les clés aux supporters, ce qui fait que même aujourd'hui, la gestion des abonnements, c'était lui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un match à 21h, à 15h, les petits sont sur le côté, ils attendent de rentrer, ils bâchent, tout ça. C'était pas spécialement marseillais, moi, il me semble qu'en fait, c'était une pratique assez courante de pouvoir rentrer gratuitement dans les stades à la mi-temps, quoi. Et pas que dans le football. Alors là, pour le coup, c'était pas la mi-temps, mais vraiment. De cet ordre-là. Alors moi, j'ai pas appris, forcément, je me suis pas intéressé à tout ce qu'il y a eu ailleurs, mais une présence à ce point-là de jeunes. Dans les tribunes et tout, bon là, je sais pas pour toi, Arsène, qui fait beaucoup de déplacements avec Marseille, si tu as pu voir ça ailleurs, dans notre ville. Moi, vous remarquerez ma réserve sur le sujet. Oui, on l'a bien noté. Hein. Ouais. Je ne peux cautionner une quelconque critique négative à l'encontre c'est votre légendaire flegme, Arsène. Effectivement. Petite nostalgie pour vous, Arsène, de toutes ces combines, peut-être. C'est peut-être petite, ça, en petite fait. Larme à l'œil, votre école, finalement, votre formation, c'est peut-être ces années nanar. Peut-être que ça vient de là. Peut-être le papa dont vous parliez tout à l'heure. C'était peut-être Bernard. Le fils de Bernard Tapie est sur ce plateau qui transfère, peut-être. Non, mais peut-être que dans l'esprit du tout est possible, du n'ayons peur de rien, du... Le vrai rêvons plus grand, quoi. Le vrai rêvant plus grand, l'original. Là encore, est-ce que la fin justifie les moyens avec Nanar, du coup? Est-ce que, je pense qu'à un moment donné... Tu veux nous enlever l'étoile qu'on a sur le maillot? Non, l'étoile, je ne la touche pas. L'étoile, je ne la touche pas. Mais est-ce que pour vous, ça fait partie d'une combine honorable? Voilà, on se dit, c'est parti, on achète un match, c'est pour la bonne cause. Non, après, j'ai pas envie de tomber dans le complotisme. Mon copain Ziad va me sauter dessus, il va enchaîner si je fais. En fait, on sait pas trop ce qu'il en est de la réalité des matchs truqués. On sait qu'il a été condamné. Bon, voilà. Ça, on le sait. Moi, je pense que c'est... Et on sait que le match contre Valenciennes a été acheté. Ça, on le sait. Je pense que c'est quand même des... C'est bien de vouloir refaire l'histoire. Valenciennes, c'est un match qui nous ramène au peu aux heures les plus sombres. Et pour ma part, très, très personnellement, je suis assez... Voilà. Moi, on est tous coupables quelque part. Et voilà, moi, j'ai un petit peu du mal à assumer ces victoires. Voilà, j'aurais peut-être... Je pense qu'on n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et voilà, j'ai un petit peu mal, quoi. C'est un peu des blessures. Voilà, c'est un peu ma guerre d'Algérie, ça, quelque part. Bah, je crois que là, une pause musicale s'impose après ce moment d'émotion. Matata, vous êtes bien sur Des Bâtons d'Anguirou, Radio Galère. Choix musical un peu surprenant de la part du coach, et en même temps pas tellement. Mais par rapport au thème de l'émission, je m'interroge, Hakuna Matata. Coach, vous allez avoir la parole de toute façon tout de suite, puisque c'est l'heure de votre croquine. Mais j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs ce choix musical. C'est une chanson de Jimmy Cliff pour le film Le Roi Lion, le dessin animé. Où j'ai plus en tête hein, tous les noms, mais alors c'est Timon et Pumba. Ouais. Voilà, donc le futur roi lion qui s'appelle Simba. Simba. Amara Simba. Tout Amara à fait. Simba. On parle d'un jour de foot là ou donc se retournait. Et donc voilà, rejoint Timon et Pumba qui sont finalement deux hédonistes, on va les dire ça comme ça, qui ont une philosophie de vie presque une sorte de bouddhisme un peu combinard quoi. Bah ils sont avec nous sur le plateau. Timon et Pumba sont ça, là. C'est comme ça qu'on aurait dû le lancer. Je crois qu'il y a un jeune joueur qui perpétue l'idée d'Hakuna Matata qui a été recruté par Lyon il y a pas très longtemps qui venait de Châteauroux, c'est Jean-Charles Hakuna Matata, non, c'est pas ça. Alors coach, c'est l'heure de... Enchaînons. Coach, c'est donc l'heure de votre croquine traditionnelle. On vous écoute. Oui, donc ça a une petite croquine qui s'appelle Les amateurs d'amour du prochain. Donc voilà, donc c'est une œuvre de fiction, toute coïncidence ou ressemblance avec des personnes réelles ou des situations existantes ne saurait être ni fortuite ni involontaire. Alors, pour le compte de la 26e journée de district, le Bourg-Tamer FC affrontait ce dimanche à 15h l'Olympique Royal sur Pompon dans un derby aux enjeux bien différents pour les deux équipes. Bourg se trouvait en effet calé à la 7e place et n'avait plus grand-chose à gagner ou à perdre d'ici la fin de saison, si ce n'est un peu de ventre mou. Le match aller, remporté à domicile par les Bourgeois 1-0, avait permis à ceux que l'on surnomme les épouvantails rouges, à cause de leur tunique rouge rayée de vert, de se relancer dans ce petit bout de championnat amateur après un début de saison catastrophique. Le retour promettait ce week-end-là d'être une autre paire de manches. Alors qu'elle jouait les premiers rôles la saison passée, Royal sur Pompon était au contraire embourbé dans le bas du classement et luttait âprement pour son maintien. La tension avait visiblement choisi son camp lorsque l'on regardait les mines et les masques des locaux à l'échauffement. Une question de vie ou de mort ? Non, on n'ira pas jusque-là. Mais garder la face devant ses enfants, ses voisins, ses collègues, les meilleurs amis de leurs épouses, en évitant l'humiliation de la relégation, tout ça emportait la bonne vieille rigolade de prendre du plaisir et de donner du plaisir. Alors que dire de ce match ? Le jeu était-il dans cette situation le plus important ? Au fond, Bourg-Tamer contre Royal sur Pompon, c'était simplement deux clubs parmi des milliers dans un match parmi des milliers ce dimanche. Les fans les plus motivés, les familles des joueurs avaient fait le déplacement en voiture. Un petit cortège organisé depuis la place de l'église était venu prendre place dans la tribune. Sur les bords du terrain, des slogans peints à la bombe en lettres rouges dégoulinant sur des draps par le groupe de supporters dit les Royal Devils exhortaient leur équipe à la victoire coûte que coûte parce que sinon, gare. Les autres membres du COP, des mamans hein, pour l'ensemble, surnommées les Tie Girls, toutes de noir vêtues, entonnaient des chants furieux en agitant des pompons. En première période, le match était brillamment terne. Entre des locaux tétanisés par l'enjeu et des adversaires qui se contentaient de jouer en contre, paradoxalement sans véritable but dans le camp royaltais. On a eu peu de choses à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes. Les gardiens d'un bord comme de l'autre avaient aussi peu de travail et tricotaient des pouces comme Pénélope Fillon. On aurait pu jouer ça comme ça pendant des heures. La seconde mi-temps repartit sur des bases d'un bal de maison de retraite sous tranquillisant. Le moment le plus fou de ce match tiède fut sans doute, sans aucun doute, la célébration du seul et unique but de la partie à la 69e minute. But libératoire s'il en est, marqué à la suite de la transformation d'un pénalty obtenu par l'avant-centre Robert Plante. Le pari de la jeune garde tenté par Eddie Scapino, dit le renard, l'entraîneur de Bourg, s'avérait Ardam apparemment perdu dans la nonchalance d'un remplacement défensif plus que négligent face à une équipe qui jouait le rien pour le tout dans un jeu vertical réduit à balancer des ballons dans la surface. Alors il paraît qu'un match se joue pendant 90 minutes et ne se finit pas après seulement 69. Ce derby aurait pu s'arrêter là tant le spectacle manqua par la suite cruellement de sexapil. Mais à vous faire regretter vos nuits d'insomnie devant du curling sur votre écran 3D de salon. Heureusement que l'arbitre du match disposait d'un sifflet qui permit de réveiller tout le monde en fin de partie. Les spectateurs, à défaut de repartir les yeux pleins d'étoiles, quittèrent le stade avec le sentiment d'avoir fait un doux rêve comme à eux. Alors pour bien comprendre ce résultat de match de district, il faut revenir dans l'intimité du vestiaire de Bourg-Tamer juste avant le match contre l'Olympique Royal sur Pompon, pendant le speech de motivation d'Eddie Scapino à ses troupes. Eddie, qui est à la fois éducateur, tacticien, préparateur et psychologue pour des joueurs qui vont petit à petit devenir réceptifs à son discours. « Bon les gars, je vais pas vous mentir. Pas de tabou entre nous, je vous l'avais promis. Nos adversaires du soir sont les trompettes, c'est vrai. Mais ce sont les trompettes d'à côté, nos trompettes. Nos voisins, nos amis, nos anciens camarades d'école, nos beaux-frères. Le combat de ce soir n'aura pas lieu. On est septième et sûr d'y rester. La guerre est derrière nous, les enfants. C'est pourquoi je vais me mettre à nu, pour parler directement à votre cœur. Je vais vous livrer un sentiment très fort, aussi humaniste que viril. Il ne s'agit pas d'être dévendu. Oh, comme cette idée est vilaine. Il n'y a pas d'arrangement. Il s'agit de grandeur d'âme, qui fait si souvent défaut dans ce qui est devenu le football moderne. Il s'agit de permettre aux faibles de survivre dans ce monde de domination sans beauté. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément cette éthique libérale de la compétition sportive. Il s'agit aujourd'hui d'avoir les couilles d'incarner la force du destin. Je vous dis cela, les enfants, toute cette indifférence envers nos proches, envers nos meilleurs ennemis, envers nos meilleures trompettes, moi cela me fait atrocement souffrir. Cela me fend le cœur. Cela me donne envie de chialer. Alors, on va être chaud. Oui, chaud comme la braise tiède. Mais chaud comme des lapins qui recueillent l'oisillon tombé du nid. Il n'y a pas à réfléchir. Ne soyez pas des robots, soyez des hommes avec de vraies valeurs de fraternité et de bienveillance. Et suivez-moi avec toute l'abnégation possible dans ma charité stratégique de laisser filer le match. Et franchement, préférez laisser les places de notre petit paradis de district à des clubs de loot capitale? Non bon, et merde. Bon, pour ceux qui auraient encore des doutes, hein, des relents égoïstes de bonne conscience, sachez que j'ai négocié l'apéro avec les merguez et quelques caisses de vin. Alors, pour bien comprendre ce speech de motivation d'Eddie Scapino, hein, à ses troupes dans l'intimité du vestiaire de Bourg-Tamer, juste avant le match contre l'Olympique de Royal sur Pompon, il faut revenir au samedi précédent le match, donc la veille, en plein après-midi, à Addictif, hein, le salon de coiffure qui ne manque pas d'air, où Eddie rencontre le Royal Bolaji Badejo, l'entraîneur de l'Olympique, club rival hein, du coin, pour un petit taillage de barbichette. Alors les deux entraîneurs ont le même coiffeur, hein, ça crée indéniablement des liens, et ils partagent également un passé et des intérêts sportifs, hein, comme on dit chez les coiffeurs. Alors on se rappela donc les souvenirs de jeunesse entre les deux, hein, les 400 coups tirés à droite à gauche, Et Bolaji, hein, au milieu de ses coupes, de ses boucles coupées, glissa l'air de rien dans la conversation amicale à son collègue, le rasoir sur la gorge. Dis vieux, tu te rappelles l'an passé, au printemps, hein, quand je t'avais dit que si je t'arrangeais cette année, tu me rendrais l'appareil la saison prochaine. Eh ben, vois-tu. Alors, c'est comme ça que se termine cette croquine, mon cher coach, sur cette suspension, le « eh bien, vois-tu ». Je le prends un peu personnellement, coach, l'objet de cette croquine, parce que je vous ai soumis l'idée pour une prochaine saison de Des Bâtons d'Anguirou d'investir les terrains de district, d'investir les matchs de campagne, et là, vous coupez l'herbe sous le pied et vous vous dites « ça vaut pas le coup ». Ah, c'est des fins de saison pleines de promesses. De promesses à qui, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous sous-entendez par là que la combine a lieu à tous les étages, y compris en première division de district. Mais le football amateur, c'est avant tout une affaire d'amitié, je pense. Vous avez bien raison. Dondé, est-ce qu'on tire au sort un dernier sujet avant de conclure cette émission, ou bien vous aviez autre chose à demander à nos invités? Bah, d'abord, on peut peut-être tirer un dernier sujet, mais on reviendra un petit peu, dernière question peut-être à nos invités à la fin, on tire un dernier sujet. Quelle sera la main innocente? C'est moi. Moi j'attends la suite de l'histoire de la croquine. C'est en suspension. Alors, vois-tu, c'est en suspension. Eh bien, vois-tu. Suspension, c'est pas rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, alors, ça là, se termine comme ça. Ah, ça laisse place à l'imagination. Voilà. Eh bien, j'ai tiré le sujet à Lydia. Ouais, c'est une bonne idée, puisque l'autre sujet qui restait était un peu pourrave. À Lydia, est-ce que vous connaissez, chers invités, qui était ça? À Lydia. Vous ne savez pas qui est à Lydia. À Lydia est un joueur de football qui a réussi à jouer, je crois, dans le club de Southampton. Tout à fait. Pour une durée d'environ 50. Une cinquantaine de minutes, je crois. 53 minutes, très exactement. Et alors, c'est une des plus belles combines du football professionnel. C'était un joueur extrêmement moyen qui a réussi à intégrer un effectif professionnel avec un très, très beau stratagème. Il y a un petit sujet d'un journal télévisé ou de je ne sais quel site internet qui va nous expliquer ça. Je vous laisse écouter. Ce joueur a arnaqué toute la première ligue. Né à Dakar le 20 août 1965, Ali Dia est venu en France pour tenter sa chance dans le football. Il a joué pendant de nombreuses années dans des petits championnats passant par Dijon ou encore La Rochelle. Mais le plus gros coup de sa carrière, il le fait à Southampton en 1995. Il tente un incroyable coup de bluff, il se fait passer pour le cousin du célèbre George Weah. Au club, tout le monde croit en son mensonge. Et lors d'un match contre Leeds, il rentre sur le terrain à la 32e minute. Son match est épouvantable et Ali finit par être remplacé en fin de rencontre. Une aventure dans le championnat anglais qui n'aura duré que 53 minutes. Voilà, 53 minutes de gloire pour Ali Dia, le faux cousin de George Weah. C'est assez beau quand même, moi, je trouve. Mais en fait, moi, j'ai peut-être il manque des éléments, mais... Il manque des éléments dans cette histoire, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand il a joué, est-ce que c'est une Rémi Gaillard où il est rentré dans la pelouse ou il avait été sous contrat quand même sous Il a été sous contrat avec Southampton, l'a recruté sous ce prétexte-là, visiblement, d'être le cousin de George Weah. Et il y a un moment donné où ils l'ont fait jouer. Il devait avoir un José Anigo dans la cellule de recrutement de Southampton. En tout cas, un cousin. moi, je peux peut-être apporter 2-3 précisions. S'il vous plaît, donnez. C'est qu'en fait, il se fait passer pour George Weah. Et il passe un coup de fil aux dirigeants sportifs de Southampton. Et c'est George Weah lui-même qui vend son petit cousin comme un footballeur extrêmement technique et talentueux en devenir. Et en fait, on va dire la combine marche immédiatement. Donc il fait quelques entraînements. Et en fait, il se trouve qu'il est sur une fiche de match à un moment donné parce qu'il faut faire le nombre. Et ce qui se passe, c'est que l'attaquant de Southampton se blesse à la 32e minute. Donc, il n'y a plus qu'un attaquant sur le banc, c'est Ali Dia. Et c'est lui qui rentre. Donc il y a très peu d'images de ce match. À un moment donné, on le voit comme ça, qui est un peu excentré sur l'aile. Donc c'est une contre-attaque. Ça va très très vite. Donc il tient la vitesse. Hein. Il tient le rythme. Il est sur son aile comme ça. Et il a un ballon qui lui arrive. Alors il est vraiment très très bien placé dans la surface pour faire un centre en retrait. Et il chie vraiment. Il fait un petit filet, hein, c'est ça. Ouais, non, il envoie directement le ballon, mais mollement dans les bras du gardien. Ah. Et quand même, il sort, donc il rentre à la 32e, il sort à la 85e, quoi. Donc, il finit pas le match, Ali Dia. Donc voilà, mais il n'y a pas qu'à Lydia en fait dans l'histoire du foot moderne. Il y a quand même beaucoup de non footballeurs qui se sont fait passer, qui ont falsifié leur CV, qui ont tenté. On a parlé de plusieurs impostures, mais celle-là quand même elle est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a des types qui ont recruté un joueur de foot. Juste parce que il y a un faux Georges Ouéa qui leur a passé un coup de fil. Quoi. C'était dans les années 90, on n'avait pas toutes les sextapes qu'on a aujourd'hui pour vérifier la validité des joueurs. Finalement, une des manières de voir gratuitement les matchs en étant très, très bien placé sur les bancs de touche, finalement, c'est d'être joueur de foot aussi. Je pense que c'est la meilleure. Arsène, peut-être une idée. Je pense que c'est la meilleure des passes. Et j'ai énormément de respect pour Alidia. Qui a failli signer à l'OM quand même. Probablement. Très probablement, ouais. Un des beaux espoirs du centre de formation. Il aurait peut-être pu si Bernard Tapie était resté, mais... Peut-être... Oui, Donné, on va questionner. On a 5 minutes pour conclure avec nos invités. Ouais, alors peut-être autour d'une... Peut-être deux questions. Alors comment est-ce que vous vous présenteriez au final? Comment vous qualifieriez vos pratiques? Est-ce que vous considérez comme des businessmen, comme des fans de foot, comme des petits malins, tout simplement, des supporters facétieux? Qu'est-ce qui vous caractériserait? Alors moi c'était vraiment c'était un amour d'été et cet amour de vacances. C'était une histoire sans lendemain, mais à laquelle je repasse avec beaucoup de chagrin. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'expérimentation. Tout à fait. Et moi, je me considère comme esthète et romantique, à savoir que c'était une expérience qui était très ponctuelle en France. Et de là, j'avais assisté à la Coupe du Monde en 98 à un match. Donc là, je n'avais pas pu voir tous les matchs qu'il y avait eu à Marseille. Et donc là, de pouvoir réussir ça dès le début en m'étant dit, après France-Angleterre, essaie de faire tous les matchs. Donc voilà, ça a été le point d'orgue de ma courte carrière. Mm-hmm. Et voilà, j'ai pas envie de retenter quoi. T'as conclu et ça t'a satisfait. Voilà, j'ai pas envie de faire la saison trop. Vous étiez aussi tout à l'heure en introduction, je vous présentais comme un des inventeurs du Paris sportif au début des années. Disons que 90, c'est... vous avez aussi organisé ça. C'est-à-dire c'était en 90. Vous êtes un précurseur. C'était en 97-98. Quel âge a-t-il? Donc, 98, pardon, je crois que j'ai refait, parce qu'il y a des classes que j'avais pas trop compris, je voudrais refaire l'année. Bon, j'ai fait ça deux fois d'affilée, en troisième et en seconde. Bon, c'est encore une autre histoire. Et donc, en fait, en classe, j'étais parti sur l'idée de faire des paris. Donc, en gros, il y avait des paris, il y avait Marseille contre telle ou telle équipe ou autre. Donc, en gros, moi, je tenais les paris, c'est à l'époque du franc. Et auprès de tous les garçons, j'avais mon petit cahier où je notais, bon, alors, qui parie 5 francs sur telle victoire? Et donc, moi, je fais ça de manière voilà, totalement... Bénévole. Désintéressé. Philanthrope, j'ai envie de dire. Sauf qu'à un moment donné, vient une faille juridique où personne n'a réussi à trouver le bon score. Parce que moi, je faisais des paris qui étaient assez pointus. Il fallait limite dire la température et de quel pied le mec allait marquer. Sauf que j'arrive à un moment où personne n'a trouvé le bon résultat. Donc du coup, j'avais empoché la petite somme de... qui devait être l'équivalent de 15 euros, mais à l'époque, 100 francs, on pouvait acheter pour à peu près 10 kilos de merguez, ce qui n'était pas négligeable. Donc après, voilà, j'étais un petit peu allé dans ce sens-là, et après, je m'étais retiré assez vite. Doucement retiré, un amour de jeunesse encore, toujours dans le... Oui, voilà, c'était une expérience et... Les aventures sont éphémères. Hein. Le butinage du football, quoi. Le butinage, après, voilà, j'ai laissé la place aux jeunes, j'ai eu la Française des Jeux qui était sur le coup, j'ai dit, bon, vous avez l'air mieux organisé que moi, faites-vous plaisir. En tout cas, grâce à vous, Ziad, moi, grâce à votre technique, j'ai pu assister à ce fameux Russie-Angleterre ou Angleterre-Russie, je ne sais plus dans quel ordre c'était, et je vous remercie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit cette place-là soit dans le cadre exact de votre système de combinaison. Si je peux me permettre, pour mettre un petit peu d'humanisme dans mon personnage qui a peut-être fait peur les auditrices. Certainement. On n'a pas eu d'appel, vous avez remarqué. Sans qu'ils ne voient ta barbe. Personne ne nous a appelé. J'ai refusé tous les appels. Vous êtes venu de manière... combien avez-vous payé pour cette place? Ah, j'ai absolument rien payé. Voilà, la France a parlé. Il me semblait qu'il y avait d'ailleurs le sandwich gratuit avec la boisson. Il y avait également un ticket. On avait un ticket gratuit. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a toujours, c'est la part de risque qui est inhérente à ce type de pratique, c'est qu'à la fin, on a failli se faire défoncer par les supporters russes qui ont chargé les supporters anglais à l'endroit où on était assis. L'organisation marseillaise à son sommet qui a mis des Anglais et des Russes dans la même tribune et qui était séparée par une ficelle absolument dissuasif. Oh, bah, qui était séparé par un groupe d'adolescents. Voilà, donc on a mis des ados en tampon. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'avais été ravi de vous rencontrer à cette occasion. Et vous, cher Arsène, donc au-delà de toutes vos qualités qu'on devine, vous considérez comme quoi, un supporter facétieux, peut-être un amateur de sensations fortes, est-ce que c'est ça qui ça me plaît. Un passionné de football et plus particulièrement du monde des tribunes et de tous les alentours. Alors quel est le prochain coup que vous préparez? Je ne saurais vous le dévoiler parce qu'il ne pourrait marcher. Est-ce que vous êtes interdit de territoire en Angleterre ou pas? Non. Ce sera madame. Non, pas encore. Mais est-ce que par exemple il y a des derbies un peu chauds qui pourraient vous exciter là, des trucs en Argentine, en Turquie ou des matchs assez incroyables à vivre dans les tribunes? C'est vrai qu'il y a pas mal de derbies qui m'intéresseraient beaucoup. En Argentine, bien évidemment, mais même un peu plus près de nous, au Maroc, à Casablanca, par exemple. C'est un derby vraiment de passionnés. Et j'ai déjà eu des contacts avec des gens de là-bas pour pouvoir y participer. Et ce serait vraiment une bonne aventure, sur lequel il n'y aurait pas de combine, à proprement dite, mais juste de vivre un moment partagé avec des passionnés. Une invitation en bonne et due forme. De l'eau. Eh bien voilà, on va conclure cette émission là-dessus, non sans remercier tout le monde. D'abord, coach, je vous demanderais de me donner un peu le morceau que vous souhaiteriez, à moins que... Je comprends pas pourquoi je me fais... C'est vrai, Dundee, vous avez proposé aussi vous-même des morceaux. Alors d'accord, je vous donne la parole à vous, mais vous l'avez quand même beaucoup Vous avez le choix. En gros, vous avez le choix entre la Secret Connection avec le titre Contrebande, ou en l'honneur de nous inviter un titre tiré de la BO du film Les Beaux Gosses. C'est comme vous préférez, les gars. C'est nous que choisissons. Ouais. Tomber d'accord pour une fois, ce serait... Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Tight. Je connais pas. Secret Collection. Allez, ce sera Secret Collection. Un petit hommage à Fab. Merci beaucoup, Ziad et Arsène, de nous avoir accompagnés pour votre accueil. Merci à vous. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. Bonsoir, Dundee. Et au mois prochain, une émission qui sera... sans doute passionnante. Et préparée, comme ce soir. Qu'il est facétieux. Ouais. Secret Connection. Un 999. Coma. Buffa. Mokles. Ouais. Ça fait de Paris jusqu'à Tatessi. Hein. Ouais. Pour la contrebande. Je vis dans un monde qui comprend pas la notion de partage. Chacun fait ce qu'il peut, isolé, c'est le résultat du parcage. Nombreux sont ceux qui lèvent la tête et qui s'organisent. La connexion, c'est des mots vrais dans nos valises. La contrebande, car il faut agir comme des pirates. Discret d'attitude pour éviter tous les plans pirates. À mon avis, mon ami, ce n'est pas difficile. Déterminé ici-bas, qui donc tire les ficelles? La vie est courte et entre nous on se bouffe dans chaque ville. Voilà pourquoi tout nous paraît si artificiel. Je vis dans un monde malade, je l'ai vu sur tout terrain. Certains font d'escalade, quand nous on agit en souterrain. Les reins solides, je me contente de la peur et de son salaire. La contrebande, c'est pour quitter Paris et son salaire. On fait de la contrebande, on marche à 4 ou 5 en secret. On se crée notre propre réseau, on plaide, on cède à l'ancienne. Vu qu'ils ont interdit le bon à base de mixtape, je lève mon verre. On fait de la contrebande, ouais. On marche à 4 ou 5 en secret. On se crée notre propre réseau, on plaide, on cède à l'ancienne. Vu qu'ils ont interdit le bon à base de mixtape. Thank you.